Bonsoir et bienvenue dans ce 14e numéro de la saison 4 de SpaceAct, la première émission dédiée aux doyens des clubs français. Et ce soir, mesdames et messieurs, c'est une émission de Normand que je vous propose. Est-ce que le HAC a fait un bon résultat hier face à la JOCR? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, bref. On a une communauté partagée sur le match hier, alors on va en discuter bien entendu tous ensemble ce soir. Fête de Pâques oblige, je suis privé de certains titulaires comme de mon technicien en chef. Vous inquiétez pas, on a des valeurs sûres autour de la table. Comme mon capitaine du soir, celui qui a regardé le match en mangeant les chocolats de Pâques des gosses pour évacuer le stress. JC est avec nous ce soir. Bonsoir JC. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Bah, j'ai fait au vieux, hein, mais bon, j'ai préféré les chocolats. J'espère que t'as pas trop abusé quand même. Hein. Non, ça a été. L'homme au gros doigt est également parmi nous, celui qui a fait rire nos spectateurs et auditeurs lors de la dernière émission avec sa maladresse aussi grande que sa taille. Bonsoir Vivien. Salut à tous. Tu vas bien? T'es là avec tes gros doigts? Ouais, c'est bon, ils sont tous là. J'en ai 5 et 5 de l'autre côté qui tiennent la caméra. Voilà, ça fait 10, c'est bon. Tout est là. Parfait, tout est bon. Notre super sub à nous, notre coup de cœur venu du banc, celui qui débarque dès qu'on parle de pognon. Gilles nous fait le plaisir de revenir ce soir. Bonsoir Gilles. Et je suis heureux de vous voir, les amis. T'as un Salut. Super chapeau. Je ne connaissais pas ton chapeau. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je sais pas, mais c'est sublime. En vente à la gare du Tréport pour ceux que ça intéresse. Ben voilà, petite pub. Mais SpaceX, c'est avant tout votre émission, celle qui donne la parole à tous les supporters qui le veulent. Alors, n'hésitez pas à faire une demande d'intervention dans les commentaires. On les voit, on les relaye. Et si l'envie vous en dit de nous rejoindre en direct en studio, envoyez-nous un petit mail à l'adresse qui s'affiche juste en bas de l'écran. spacehack.contact@gmail.com ou contactez-nous directement sur Facebook ou Twitter. On vous répondra sans souci dès qu'on aura eu le message, évidemment. Avant de démarrer ce petit retour sur le match de la JOCR, j'aimerais revenir sur nos pronostics, messieurs. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais le bon. Et JC aussi. Donc JC... Ça me fait rire ces conneries-là. Vous avez vu, on a eu des moyens dans la technique. Bonsoir Marine, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints dans l'assistance. Et en fin d'émission, comme la semaine dernière, on aura un petit moment qui vous sera consacré. On aura des échanges avec vous, etc. Vous pourrez revenir sur tous les sujets de votre choix. Donc ce soir au programme, retour évidemment sur la rencontre entre le HAC et la JOCR, un match très attendu par les deux équipes dans l'optique du maintien. Un match que les supporters auxerrois abordaient avec beaucoup de confiance après leur large victoire 3-0 à 10 contre 11 face à Brest avant la trêve internationale. À l'inverse du côté havrais, nous c'était plutôt le stress qui prédominait après les dernières sorties de nos ciels et marines. En parlant des supporters, on salue cette fois le très beau tifo des KCM qui ont ouvert les hostilités hier, mais aussi, une fois n'est pas coutume, le parquage auxerrois qui fêtait les 35 ans des Ultras Auxerre, qui était vachement sympa, je trouve. L'animation était plutôt cool vu de la télé, je pense que dans le stade ça devait être sympa aussi. Alors, coup d'envoi, c'est un schéma très défensif hein, qu'avait choisi Didier Digard. JC, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette compo? Bah, effectivement, c'était très, très défensif. En fait, Didier, il a dit, tiens, je vais mettre tous mes meilleurs joueurs et puis je vais essayer de faire une composition comme ça. Mais très, très défensif. Après, le but, c'était quand même de bloquer l'axe et de forcer les Auxerrois à passer sur les côtés. Je pense que l'idée quand même de base, c'était certainement d'ouvrir le score et puis derrière de rendre la tâche très très difficile aux Auxerrois. Bon, moi, ça ne m'a pas plus convaincu que ça. Hein. J'aurais préféré remettre Seco au milieu de terrain et surtout en fait avoir une cartouche sur le banc pour retirer soit Ebonok, soit Gourna, soit Ndiaye, enfin peu importe, mais surtout avoir une cartouche pour une fin de match, chose qu'on n'utilise pas assez. Et c'est quand même toujours un petit peu embêtant pour le dernier quart d'heure d'avoir un joueur au milieu de terrain qui soit frais et de très grande qualité. Ah, et Vivien, toi, justement, est-ce que ce schéma tactique, ce n'est pas une des seules options, entre guillemets, potables pour aligner en même temps Lucas Gourna et Ayou Mousseko? Non, je ne pense pas parce que, à ma connaissance, Gourna, il a la possibilité de jouer à d'autres postes du milieu de terrain. Didier le fait jouer régulièrement sentinelle, mais je crois qu'il a la capacité de jouer à des postes un peu plus un peu plus haut sur le terrain. Donc non, je pense que la cohabitation des deux était possible. Didier a voulu mettre en place une défense à 5 dont je n'ai pas été très fan parce que les trois défenses en centraux, en fait, j'ai l'impression qu'ils se marchaient un petit peu dessus. Et puis les latéraux, en particulier Nego, on en parlera plus tard, a laissé des boulevards derrière. Donc ouais, cette composition d'équipe était un peu faisait qu'on était un peu le cul entre deux chaises, un peu comme le reflet du match d'ailleurs. On va en parler, mais voilà, c'était un système assez particulier. Ouais, Gilles, comme beaucoup d'entre nous, toi, t'étais sceptique dès l'annonce du groupe convoqué. C'était surtout concernant l'attaque. Avec trois attaquants annoncés seulement, on était un peu étonné. Où était Kétan, où était Obougou? Et dans les trois attaquants, tu as Soumaré seulement qui va être aligné, parce qu'ensuite tu vas avoir Samata et Kiremé. En fait, et quand tu vois la composition qui a été faite, en fait, ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est t'as l'impression qu'il veut pas sortir Gourna, Seco ou Bonog ou Ndiaye ou un autre, parce que c'est tous ces joueurs qui lui donnent satisfaction et il faut absolument tous les mettre sur le terrain. Mais ensuite, pour faire animer tout ça, vu que tu n'as pas d'ailier offensif, ça commence à être un peu compliqué, puis ça fait un peu embouteillage au milieu et on ne sait pas trop quoi en faire. Donc tu ajoutes à ça qu'en attaque, tu n'as pas le joueur clé qui est capable de t'assurer tes buts facilement. Ouais, ça fait. À partir du moment qu'il veut de toute façon aligner tous les autres au milieu, il n'y a pas grand-chose ensuite qu'il puisse faire en attaque, qu'il en ait un, deux ou trois. Il a choisi de jouer comme ça. JC, autre surprise dans le groupe, c'est aussi la disparition des jeunes Enzo Kofi, Noam Obougou et Kimi Kétan. Ouais, effectivement. Non, ça m'a un petit peu. Personnellement, ça m'a totalement surpris. Alors, autant qu'il ne soit pas titulaire, bon, je l'entends, il n'y a aucun souci par rapport à ça, notamment pour Kofi qui paye son mauvais match à Paris. Quoique, on occulte un petit peu son match de Lyon qui était quand même pas trop mal alors qu'il était aussi titulaire. Et puis, les deux petits jeunes à Dada qui n'ont pas forcément donné grand chose à part leur match face à Angers. Donc, bon, mais au moins mettre un ou deux attaquants sur le banc aurait été un petit plus quand même. Parce que c'est vrai que là, on a dû juste sortir en fin de match Kiremé. Après, Kiremé, on connaît ses qualités, c'est la vitesse, mais c'est à peu près tout. Bon, bah, c'est dommage, mais c'est ce côté club formateur. Voilà, c'est ça qui est un petit peu embêtant de ne pas forcément donner plus leur chance ou leur dire qu'il y a un mauvais match, la sanction a tombé. À noter que Enzo Kofi et Noam Obougou étaient titulaire aujourd'hui au Challenge Espoir face au PSG, match qu'ils ont gagné au Paris Saint-Germain, enfin à Paris 4-1. Obougou marque et Enzo Kofi aussi, je crois, marque sur penalty. Il était même capitaine de l'équipe. Donc, est-ce que c'est un rapport avec cette mise à disposition? Je ne sais pas. En tout cas, Kenny Kétan, lui, n'était pas du tout avec les Espoirs. C'est plutôt. Si vous voulez, on peut peut-être parler de Kenny Kétan. Moi, je trouve ça inquiétant par rapport à sa normalement signature pro chez nous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas bon signe. Non, ça sent pas forcément bon. Pas signature. Ça fait trois mois qu'il signe bientôt, donc c'est normal. Ouais. Et là, effectivement, même qu'il soit pas du tout avec, parce qu'il n'y a pas question de blessure. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Je ne sais pas vous, mais non. Pas d'info. Tiens, Gilles, tu parlais de jeu de mots tout à l'heure en off. Voilà, Kenny inquiétant. Ouais. Tes questions de serre aussi tout à l'heure qui étaient pas mal. Eh bah, bien, celle-ci. Bien joué, Altacos. La chasse au cerf n'a pas été fructueuse, mais on en parlera tout à l'heure. Ouais. Les jeux de mots, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Gilles adore ça. On fera une spéciale jeu de mots un jour, il n'y a pas de problème. Alors, une fois n'est pas coutume, pour démarrer ce match face à la JOCR, le HAC a plutôt bien démarré la rencontre, Vivien, avec notamment une superbe action sur corner dès la cinquième minute, où la barre a été trouvée par Rasoul Ndiaye. Ouais, c'était un démarrage dynamique, avec une belle occasion de Rasoul Ndiaye qui s'est bien retourné, qui a déposé une merveille de ballon lobé, qui a atterri sur la transversale. C'était bien joué, ça aurait mérité certainement un autre sort. Le souci, c'est qu'après, c'est complètement retombé à plat. C'était, je crois, la seule vraie action dangereuse du HAC jusqu'à l'ouverture du score d'Auxerre. Donc, c'était un petit peu un petit coup de semonce. Ça nous a donné de l'espoir sur la dynamique du match. Et puis finalement, on était tous un peu déçus par la suite. Ouais, parce que les dernières rencontres, on l'avait dit dans les dernières émissions, les étaient vraiment nulles. Le HAC avait vraiment du mal à rentrer dans la rencontre. Et c'est vrai que démarrer sur une barre transversale dès la cinquième minute, on se disait, tiens, il y a peut-être quelque chose. Malheureusement, c'est Auxerre qui a ouvert le score, comme tu l'as dit, quelques minutes après, avec un joli travail sur le côté gauche de Namasso, qui a enrhumé Seco, Nego et Seco pour remettre en retrait pour Sinayoko, qui n'avait plus qu'à reprendre le ballon pour tromper Moridio. Alors, j'aimerais juste qu'on s'arrête quelques minutes pour évoquer plusieurs sujets au niveau de ce but. Tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur mon coup de cœur de la saison, le coup de cœur de beaucoup de personnes d'entre nous. Ayumu Seco, sans forcément l'incriminer sur le but au Serrois. Gilles, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu dans le dur en ce moment, le PPR là ? Il était sur une mauvaise prestation de toute façon à Paris, mais j'ai envie de dire un peu comme tous les autres, hein, donc on ne va pas plus l'accuser que ça. Hein, il était parti dans le lot. Sa prestation d'hier n'a pas été exceptionnelle. Est-ce que, je ne sais pas ensuite, au niveau de sa récupération, vu qu'il est joué en Angleterre en milieu de semaine, si ça a changé. Mais au final, sur l'action dont on va parler, je ne sais pas s'il est vraiment dans le dur, mais c'est surtout de compenser aussi quelqu'un qui se traîne une remorque, mais ce n'est plus une caravane, c'est une remorque de trucker qui l'a derrière, et qu'on va en parler du cas Loïc Nego. Ouais, vas-y, tu peux enchaîner sur Loïc Nego. On va juste dire gentiment, on lui offrira un joli bouquet de fleurs à la fin de l'année. Mais j'ai un de mes amis qui a regardé Mali Russie en milieu de semaine. Il ne comprend pas pourquoi faut des deux courants et pas titulaire. On va juste être poli. Vivien, justement, comme le soulignait Gilles et toi tout à l'heure en tout début d'émission, après avoir été dépassé face au PFC par la vitesse de Moses Simon, Loïc Nego, il a été encore en grande difficulté sur son côté droit. Pour rappel, hein, le but, ça part d'une touche suite à un mauvais placement de Nego. Ouais, au-delà de ses valeurs, de ses compétences footballistiques, je crois qu'il a mal intégré en fait la défense à 5 d'hier, en fait. Il était un problème de positionnement. Il était jamais vraiment bien placé, jamais bien placé sur les phases défensives, pas vraiment dangereux sur les phases offensives. Plusieurs reprises, il a fait des allers-retours en catastrophe parce qu'il montait. Et derrière, il y avait des actions dangereuses qui se montaient de son côté. Il revenait en quatrième vitesse. Peut-être pas non plus très bien aidé par Sangranté. Deuxième. Voilà. Comment ? Seulement en deuxième vitesse, quatrième vitesse. La boîte de vitesse est un peu grippée. Un peu sous-grippée, voilà, c'est ça. Donc, un peu déçu, même beaucoup déçu de la prestation de Nego. Alors que parallèlement, j'ai trouvé la prestation de Zouaoui dans son pendant côté gauche, piston gauche, qui a vraiment été excellent. Et au-delà des supérieures prestations qu'il a pu proposer jusqu'à maintenant, dans pas mal de matchs où on a été souvent critique contre lui. Ouais, complètement. C'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure avec les notes de la team. Là, on en reviendra. Mais c'est vrai que, pareil, j'ai trouvé Zouaoui vraiment très intéressant et bien meilleur que sur certaines prestations. C'est vrai que beaucoup lui sont tombés dessus. Nous aussi, on l'a critiqué évidemment sur ses prestations. Mais là, il faut le dire, quand ça marche, quand ça va bien. Et hier soir, pour moi, il a fait le taf. Moi, il y a un autre joueur aussi que je voudrais faire autre chose, et j'aimerais bien qu'on en discute. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais sur le but, il y en a un qui est aux fraises, et j'ai regardé le but des dizaines et des dizaines de fois. Je trouve que c'est Saruna Sanganté qui suit pas Sinayoko dans la surface. En fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais il arrête. En fait, il s'arrête à l'entrée de la surface et il regarde l'action se faire. Voilà. Je suis assez. Alors, il y a Lloris, certes, qui couvre dans la surface. Qui n'est pas suffisamment proche de Sinayoko également, mais moi, le comportement de Haruna, je ne sais pas, me laisse interrogatif. Non, je suis pas j'ai pas pu s'incriminer Lloris Sanganté là-dessus. Au départ, tout part du fait que tu es de toute façon, tu as Namasso qui fait sa traversée, justement, ouais. Et Sinayoko qui fait son pivot, justement, sur Seco et qui ensuite se replace bien. À partir du moment, ensuite, que Namasso a pris le ballon, l'action en tant que telle, elle est terminée, tu peux pas en incriminer un. Vu que tu as ton déséquilibre là et que 3 secondes après, il y a but, c'est trop tard pour rattraper telle ou telle situation, c'est pas faux. Puis en plus, pour le coup, sans grand T, de temps en temps, je suis critique là pour le coup, défensivement, il a vraiment fait le boulot. Je vais pas lui jeter la pierre plus qu'autre chose. Et on peut accepter aussi le fait que pour le coup, Auxerre a bien joué le coup et qu'il y avait personne pour rattraper la baraque derrière. Hein. L'action a été magnifique, hein. Franchement, j'ai pas envie de mon vue comme toi, Gilles, d'incriminer la défense havraise. Ils ont très bien joué, hein. Namasso, il a fait un débordement incroyable. Enfin, il a mis il a complètement fumé Seko. C'était superbe. Et puis la passe à Sinayoko était magnifique. Et Sinayoko fait le job. Du moment que les portes du salon ont été ouvertes, ensuite c'est terminé. Hein. Mmh. Ok. Non, mais c'était bien. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Il y a pas de souci. Mais c'est vrai que on va en reparler tout à l'heure. C'est vrai que offensivement, ils ont des sacrés joueurs aussi. Sur le plan de vue technique, la JOCR, ils en ont au moins 3 ou 4. Mmh. Nous, c'est pas à ce point-là. On n'a pas les mêmes compétences, non, c'est clair. Complètement. Mais heureusement que le hack a des ressources, a du mental, parce que les gars sont repartis au charbon. Notamment là, par l'intermédiaire de Simon Ebonog, bien lancé par Paris Sassoumaré, avec un joli extérieur du pied qui est venu inscrire son tout premier but en Liga à la 23e minute. Gilles, juste récompense pour Simon qui vient ponctuer une très bonne saison de sa part. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est sympathique pour un joueur qui a quand même été discrètement mais solidement un des piliers de la saison. Et ça récompense, comme tu dis, une belle saison. Didier, il y a quelque temps, l'avait piqué en disant qu'il ne savait pas tirer. Bon, bah, au final, oui, il s'est tiré, puis il fait un joli but. C'était bien, surtout en plus après l'action de Rasoul qui va sur le poteau se prendre le but, réagir quand même assez vite. C'était bien, donc ouais, une belle récompense pour Simon qui se place bien. Et puis en plus, ouais, l'action pour le coup, ça aurait été dommage parce que ça aurait encore été une fois où tu rentres dans la surface et à 9 mètres du but, tu fais une passe, deux passes. On aura encore dit que le hack ne tente pas sa chance. Là, au lieu de tenter la passe pour Rasoul qui était seul au milieu de terrain, dans l'axe, il tire lui-même et c'est très bien. C'est très bien que Simon marque, ça consolide sa saison et ça aurait été dommage qu'il finisse avec une feuille de stade vierge cette année. JC, on a vu et on voit cette saison émerger toute une génération made in KV. On va pas les reciter, mais est-ce que le symbole de tout ça ne s'appellerait pas Simon Ebonog finalement? C'est un peu le symbole de la résilience parce que c'est vrai que bon, il avait commencé timidement il y a 2 ans avec nous sous Elsner. Après, il est parti en prêt. Et son prêt à Nancy, c'est quand même pas forcément très bien déroulé. Et c'est vrai que son retour est aussi surprenant que c'est une véritable révélation pour nous. Moi, si tu m'aurais dit l'année dernière que cette saison, nos titulaires seraient Ndiaye et Bonog au milieu de terrain, enfin, ça paraît surprenant. Et pourtant, notamment pour Ebonog, c'est vraiment très très bien ce qu'il fait. Il apporte tellement au milieu de terrain, il a une forte densité, et puis il se projette offensivement. Alors jusqu'à présent, c'est vrai qu'il était assez maladroit, hein, on va pas se le cacher. J'espère que ce but, ça va être une révélation pour lui, et qu'il va pouvoir continuer à enchaîner, prendre confiance devant les buts, parce qu'il est souvent en bonne position de frappe. Après, c'est à lui de régler la mire et de faire comme il a fait hier, c'était vraiment très bien. Hein. Ouais. D'ailleurs, en conf de presse, Didier Digard a dit qu'il lui avait dit avant le match qu'il allait marquer. Donc, je trouve ça assez drôle. Si vous pouvez dire ça à Samata ou à d'autres joueurs, ça serait pas mal. Surtout à Nice. Il a peut-être dit ça à tous ses joueurs aussi, hein, ça on sait pas. Hein. Il a peut-être dit à tous les joueurs individuellement tu vas marquer. Ça. Ah, ouais. dans ce cas-là, il triche, mais bon. Du coup, Vivien, justement, Simon Ebonog a signé avec nous jusqu'en 2029. Est-ce que tu penses qu'on arrivera à le conserver? Oh oui, je pense qu'il est parti pour rester la saison prochaine. Il fait pas partie, enfin, comme souvent, Mathieu Bonnemer nous dit que tous les joueurs sont potentiellement à vendre chaque année parce qu'on a un trou à combler. J'ose espérer qu'on va récupérer de l'argent de la vente de Seko qui, lui, je pense, va partir cette saison puisqu'il ne reste plus qu'un an de contrat. Donc, si on veut le vendre, c'est maintenant. Donc, il y a des joueurs qu'on va vendre, mais il faut aussi en garder d'autres. Et je pense que Simon Ebonog, c'est le joueur qui, de toute façon, n'a pas atteint le top de sa valeur cette saison. Ce serait dommage de le vendre maintenant parce que c'est pas au mois de juin qu'on va le vendre au prix le plus élevé qu'on pourrait le vendre. Donc, faut mieux garder ce joueur, le continuer à le faire grandir et peut-être, bah, certainement s'en séparer un peu plus tard. Mais ça, c'est le destin de tous les joueurs à vrai qui commencent un peu à percer et à montrer le bout de leur nez. Plus tard, ils partent en espérant qu'ils partent contre le montant d'un transfert, hein, parce que là, cette fin de saison, on sait tous que il y a pas mal de joueurs qui vont partir contre 0 €. Et ça, c'est plus embêtant parce que derrière, ça nous aide pas à renflouer les caisses. Mais lui, non, j'ai pas de doute sur le fait qu'il sera présent, il sera là et qu'il sera une valeur sûre de l'équipe havraise. D'ailleurs, on parlait transfert de chèque. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas touché un bon chèque d'un transfert. Ça serait pas Isaac Touré, si je dis pas de bêtises, quand il est parti à Marseille. Ouais, mais c'était pas énorme. C'était 3. C'était pas énorme. Hein. Je me contente de peu, moi. De toute façon, les deux derniers beaux transferts qu'on a fait, c'était Mousset et Guitton. Depuis. Tino Kadewa aussi. Tino Kadewa, là, on avait récupéré pas mal d'argent, je crois. Tino, c'est 12, oui. Tino, c'est ouais. Vrai. Ouais, c'est... Mais en tout cas, bah, lui, il n'était pas formé à la KV. Voilà. Contrairement à Guitton et à Mousset. Voilà. Pour des jeunes de la KV, Mousset et Guitton, ce sont effectivement les deux plus gros transferts. En sachant qu'on était encore en Ligue 2. Oui, c'était il y a quelques années. Hein. C'était un paquet de temps maintenant. Hein. Autre temps, autre mœurs. Et puis, tu avais Vincent qui était là depuis peu de temps. Donc, il disait clairement non. Donc, c'était d'autres moyens. Ouais, notre époque. Là, c'est totalement différent. Les droits TV qui ont baissé, donc même les autres clubs n'ont pas forcément les mêmes moyens aussi. Donc, c'est tout en cascade, hein, malheureusement. Alors, on parlait de Simon Bonnac. C'est un des rares joueurs à être régulé cette saison. À l'image, j'ai envie de dire, de tout le milieu de terrain, que ce soit Lucas Gourna, Rasoul Ndiaye, et en première partie de saison, Ayumu Seko, hein, quand il était au milieu. Le milieu fait quand même une grosse saison, Gilles. Oui, et il y a deux noms qui manquent par rapport à l'année dernière qu'on n'aurait pas pensé, c'est Keshta et Pitouré. Donc, faut se dire vraiment, c'est vraiment la force qu'on a, c'est effectivement que dans cette zone de terrain, on a quand même un pool de joueurs autrement plus conséquents qui permettent justement de pouvoir faire tourner. C'était une volonté de Eisner à l'époque, c'est une volonté que Didier a potentiellement toujours d'essayer de pouvoir justement tirer un peu sur la corde, en demander à peu près 120% pendant 70 minutes pour que justement derrière tu puisses faire entrer des joueurs potentiellement équivalents. Et c'est vrai que tu as au moins ce pool-là qui est là et tu en as même de trop parce que ça déborde tellement que pour maintenir tous ces joueurs sur le terrain, bah, tu es obligé d'en placer d'autres à des postes qui ne sont pas forcément les leurs initialement. Mais oui, sur au moins à ce poste-là, sur cette zone de terrain, normalement, c'est vert foncé, il n'y a pas de problème, on y est, on est là. C'est le moment, c'est le moment, non, c'est pas le moment, mais on va y venir. On est, comme je disais, on a quitté la première mi-temps sur le score de 1 partout. On a quitté le match, hein, sur 1 partout, on ne va pas se mentir, on ne va pas perdre de temps non plus à décrypter la deuxième mi-temps, il ne s'est quasiment rien passé. À part quelques situations chaudes côté Auxerrois, le match a été très très très haché. C'est Thomas dans la vidéo prono qui avait pronostiqué que le match serait très haché. Il ne s'est pas planté. Ce n'était pas Jojo à voir. Je vous passe les notes et puis on revient, si vous voulez, sur certaines perfs. On ne va pas revenir sur Loïc Négo. Vivien, tout à l'heure, tu as commencé sur Yanis Zouaoui. J'aimerais bien qu'on parle de son match. Il a été vraiment, vraiment important sur ce côté gauche. Ouais, important, et il a été solide défensivement, il était bon dans les replis défensifs, offensivement il est toujours aussi intéressant. Je pense que la concurrence de Kofi lui a donné peut-être un petit coup de pied aux fesses. Jusqu'à maintenant, il était pas vraiment en concurrence avec qui que ce soit, parce que Kofi était encore un petit peu vert. Et puis, comment il s'appelle celui qui est parti à la mi-saison, là, l'ancien de Strasbourg au départ IFC, j'ai déjà oublié son nom. Thomas Delaine, qui était censé être son concurrent direct, bah, se trouve que c'était un four total et que ce joueur n'a jamais été en capacité physique de pouvoir prétendre à quoi que ce soit. On l'a vu, hein, il traînait sa misère, le pauvre. Donc en fait, Zouaoui était longtemps la seule solution viable sur son côté gauche, et ça l'a peut-être pas poussé non plus à aller au bout de lui-même et au bout de ses capacités. Et là, on voit que le petit Kofi maintenant pousse. et ben, ça a des conséquences positives sur sa performance, donc c'est très bien. Et donc, je suis content pour lui parce que c'était pas forcément le joueur qui était prédisposé à être titulaire et que, de match en match, il montre que, finalement, le maillot du VAC n'est pas trop grand pour lui. Qu'est-ce que vous avez pensé, Gilles, JC, de Yanis? Non, il a fait son match. Effectivement, il y a repas et un truc. Je trouve qu'il est plutôt intéressant là depuis quelques temps. Et c'est vrai qu'avoir un peu de concurrence, ça peut faire que du bien. Donc, c'est pareil. Hein, faut continuer. Il reste encore quelques matchs. Kofi va peut-être revenir aussi. Donc, au moins, ils vont se tirer pour une place de titulaire tous les deux. Mais rien n'est acquis. Enfin, voilà. On connaît nos latéraux. On sait que c'est quand même notre point faible. Donc, je ne vais pas non plus m'exaser sur le match de Zouaoui, mais c'est vrai qu'il a fait quand même quelques retours décisifs en défense. Mais non, il faut poursuivre ces efforts-là et qu'il continue à bien tenir son couloir gauche et être un peu plus à droit aussi offensivement sur les centres. C'est toujours un petit peu dommage d'avoir un bon pied gauche comme le sien et de ne pas forcément toujours trouver preneur. Alors, oui, mais il a trouvé preneur. C'est vrai que le but de Ebonug part d'un centre de Yanis Zouaoui. Ouais, ouais. Donc voilà, faut le souligner. C'est vrai qu'on on se moque souvent parce qu'on est une équipe qui centre énormément, beaucoup plus que toutes les autres de Ligue 1 et que derrière ça se matérialise pas par des buts. Mais là, pour le coup, ça a fait mouche, donc c'était plutôt intéressant. Gilles, tu voulais rebondir sur Yanis ou sur un autre joueur éventuellement que tu voulais? Le problème de Yanis, de toute façon, qu'on soulignait, c'était pas tant offensivement, c'était défensivement. S'il commence à comprendre que la défense, c'est son cœur de métier à la base, ça va commencer à être un autre calibre de joueur. Donc ça, c'est très bien qu'on ait pu faire ça. Au niveau du joueur en tant que tel, moi, ça va être l'axe Gourna sans Ganté qui sont supposés être nos deux pivots. Moi, j'ai quand même un souci, c'est sans Ganté. J'ai trouvé très fort défensivement, mais à la relance, c'était vraiment pas ça. Je me demande même si Auxerre n'avait pas une petite tactique à forcer notre sortie de défense par Sanganté, sachant qu'entre Yoris, Seco et Sanganté, c'est Sanganté qui est le moins fort dans ce domaine. Et moi, j'ai envie de dire à Lucas, plus simple, parce qu'on a l'impression des fois qu'il veut tenter des grandes choses là où il faudrait être un peu plus simple, et des fois ça amène des ballons perdus ou des pauses un peu faites. J'aimerais qu'il apure son jeu. Est-ce que c'est pas une critique aussi qu'on pourrait faire à Sofiane Boufal justement? Oui, mais oui. Ça, c'est le syndrome du génie technique, c'est qu'il a envie d'en faire plus que les autres. Mais c'est le problème, c'est qu'il faut un moment être décisif. C'est ce qu'on lui demande aussi. Et c'est vrai qu'il crée des situations. Hein. Il est au départ de certaines situations, mais souvent il fait des petits gestes techniques. Alors moi je suis bluffé. Hein. Je vois faire un contrôle poitrine et se retourner, garder la balle. Enfin, waouh, quel joueur! Mais c'est vrai que derrière, ça se matérialise pas par une action ou par un but. C'est vraiment le match d'hier de Sofiane Boufal m'a vraiment déçu et confirme un petit peu les doutes que j'ai sur lui. Je m'explique parce que, comme on le dit tous, hein, il a une technique hors norme. Clairement, c'est un joueur de ballon merveilleux. On sent qu'il a vraiment ça. Il a des pieds en or. Mais à côté de ça, on sent aussi qu'il a un déficit physique important. Le nombre d'actions, le nombre de ballons perdus, le nombre d'actions qui n'aboutissent à rien parce qu'en fait, il va au duel. Il rentre dans le tas et puis derrière il se fait secouer par la défense adverse, il tombe par terre souvent en râlant. Ça m'exaspère aussi, les gens qui n'arrêtent pas de râler tout le temps et passent leur temps à se plaindre auprès de l'arbitre alors que tout le monde voit qu'il n'y a pas faute. Mais bon, il le fait quand même à chaque fois. Et voilà, c'est dommage parce que on sent qu'il a un truc en plus, mais bon, il est peut-être une préparation physique peut-être tronquée. Je sais pas dans son ancien club comment il était. Je crois qu'il était pas titulaire, je crois, cette saison. J'ai des doutes quand même sur. Il est capable sur un éclair de génie de faire une diff comme sur les passes décisives qu'il avait faites à Soumaré contre Strasbourg, non contre Toulouse, si je me souviens bien. Enfin, il est capable d'avoir des éclairs de génie, mais sur la durée, c'est compliqué. Ouais, c'est pas suffisant. Il peut prendre des jaunes aussi. peut prendre des jaunes selon la suite des expressions que tu as dit. Il se fait secouer, il se fait mettre par terre, ça revient, il revient à l'attaque, il va tirer le maillot, il va faire un tacle juste pour faire tomber l'adversaire. Ça peut prendre des jaunes faciles aussi. Exactement. Je voyais dans les commentaires quelqu'un qui nous demandait pourquoi on avait mis 2 étoiles à Didier Digard. Parce que c'est par rapport au changement ou par rapport à la tactique utilisée? Moi, c'est par rapport à la tactique, hein. Clairement. Hein. C'est la tactique pour moi qui n'allait pas. Hein. Il a mis les joueurs dans des dispositions qui n'étaient pas forcément, ils n'étaient pas forcément à l'aise. La défense à 3 avec Seco, Loris et Sangranté. On les a pas sentis très sereins les uns à côté des autres. Enfin, je sais pas, ça menait pour moi peut-être plus une défense à 4. Et ça aurait peut-être évité que Nego se fasse ouvrir comme il s'est fait ouvrir sur son côté droit, sur des jeux de transition. Et puis, ça aurait peut-être permis d'avoir peut-être une animation offensive un peu meilleure parce que là, moi, les passes en arrière permanence tout le long du match. Entre Loris qui passe à Gourna qui passe à Sangranté qui se retourne, qui repasse à Mauridio, c'était juste pas possible. Au bout d'un moment, t'avais envie de leur dire avancer avec le ballon. Alors le moment où ils l'ont fait, c'est après l'ouverture du score d'Auxerre. Ils ont enfin apporté un peu de verticalité dans leur jeu. Ils ont essayé de trouver le milieu de terrain et remonter, faire des combinaisons, faire remonter le ballon. Mais ils ont égalisé, très bien. Et après, ils sont retombés dans leur travers. Ils ont de nouveau fait des passes en arrière. Et on pouvait pas espérer autre chose que ce match-là parce que et en plus on s'est mis en difficulté tout seul comme des couillons parce que à vouloir jouer trop défensive, on a donné des cartouches aux Auxerrois parce que à un moment donné, sans grand T, comme tu disais Gilles, il s'est retrouvé comme incapable de relancer correctement parce qu'il était sous pression et puis on perdait des ballons évitables. Et on a eu le cul entre deux chaises pendant tout le match et ça nous a vraiment pas porté. On a eu la chance que Cosser soit maladroit et ait fait un poteau, une transversale. Loris, heureusement qu'il est aussi intervenu en faisant un magnifique tacle à la 55e, parce que là c'était balle de but pour les Auxerrois. On aurait pu repartir avec un 2-1 et je suis pas sûr qu'on aurait été capable de revenir au score derrière. Donc voilà pour Digard. Voilà, c'est parce que je pense que la composition n'était pas forcément la plus adaptée. C'est toujours le problème, hein, c'est que tant que t'as pas ton attaque et tes ailiers, tu bricoles. Il veut garder tous ces joueurs qui ont été méritants. Donc t'as pas d'attaque, t'as pas d'ailier. La seule attaque que tu pouvais faire avec deux ailiers et un attaquant, c'était Soumaré, Samata, Kérémé. Mais t'avais personne ensuite derrière pour prendre le relais. Tout à fait. Après, éventuellement, il y avait Cadra qui est le pauvre qu'on ne voit jamais, et pourtant, lui, s'il aurait rentré, il aurait pu apporter un peu de peps. Éventuellement, Doucouré, en début de saison, Doucouré, il avait fait en association avec lui. On a du monde hein, quand même sur le banc, mais sauf que je trouve qu'on n'en profite pas assez, malheureusement. Donc c'est vrai qu'on maximise cet outil. Et puis derrière, Il fait 3 changements seulement. Il fait rentrer Pembele pour Zouaoui, il fait rentrer Samata et il fait rentrer Kérémé. C'est pour ça que je t'ai dit que moi, mon coup de cœur du banc, c'était Casimir, parce que je ne pouvais pas mettre un des trois là. C'est pas possible. Tu ça veut pas. Godson, il est gentil, mais on sait très bien que c'est un choix par défaut qu'il est là. Samata sera bientôt paix à son âme parce que ça ne peut plus. On peut plus, c'est plus ça. Puis Pembele, Zouaoui, c'est un changement physique, mais c'est pas un changement. C'est pas un changement technique ou tactique dans le sens où Zouaoui fait pas le taf. Zouaoui a fait le taf, c'est le faux. De la même manière que c'était un même changement que quand Kofi sortait à la 60e parce qu'il avait pas de caisse. Vous parlez de Samata dans les commentaires aussi. Je vois sortir Boufal pour Samata. C'était du grand art, comme nous dit. C'est le même problème, c'est ce que vient d'expliquer Vivien Pembele pour Zouaoui. Boufal ne peut pas jouer 90 minutes en Ligue 1. Non, c'est pas possible. Il n'a pas les capacités. Et c'est pas être mauvais ou faire autre chose. Hein. Jorge Adji au Galatasaray, il jouait 45 minutes, c'était pas un problème. Mais tu sais que le temps que tu l'as, il faut en profiter au maximum parce qu'après, il va falloir changer de tactique. Gilles, il y a Baston avec Émilie dans les commentaires. Elle n'est pas d'accord avec toi sur Kiremu, elle te trouve dur. Ouais, bah c'est pas parce qu'il a mis un but à Paris pour son entrée en jeu que le gars a le niveau de la Ligue 1. C'est tout. Il est gentil, il est sûrement travailleur, mais non. On n'a pas d'ailier droit. Il est ailier droit. S'il avait le niveau, il serait titulaire indiscutable. Mmh. Je vois même pas où est la discussion à ce niveau-là. On met Rasoul Ndiaye plutôt dans cette zone de travail, plutôt que Kirimi, qui lui est à ce niveau-là. Non, je suis désolé. Au bout d'un moment, là, on est à la combienième, 28e journée. S'il avait dû rentrer, c'est pareil. S'il avait dû faire sa place, ça aurait été fait déjà depuis un moment, quoi. Kirimi, c'est un joueur de complément qui a été acheté au tout début du mercato d'hiver. À un moment où le groupe de Didier Villard était incomplet et qu'il fallait des nombres pour pouvoir commencer la saison, mais ça n'a jamais été ça n'a jamais été un joueur qui c'est était là pour concurrencer qui que ce soit. Il était plus là comme un joueur d'entraînement. C'est un 24e. Mais de temps en temps, il est rentré par la force des choses parce que notre attaque était tellement mauvaise, on peut pas le dire contraire, enfin, vraiment en difficulté, que bah il a fallu tenter quand même le coup avec Kirimi. Il a été même titulaire une ou deux reprises, mais bon, il a clairement pas le niveau de Ligue 1, peut-être de Ligue 2, parce qu'en Ligue 2 il y a encore oui, mais bon, voilà quoi, c'est pas avec Godson. Il est certainement très très sympathique, il a certainement des qualités footballistiques, mais pour la Ligue 1 c'est largement insuffisant. Et la saison prochaine, ce sera pas quelqu'un, contrairement à Ebonov, on parlait tout à l'heure de quelqu'un sur qui on peut compter la saison prochaine à un autre poste. C'est une valeur sûre. On sait qu'il a le potentiel d'aller beaucoup plus haut. Godson Kiremi, je suis pas convaincu que, voilà, on peut se baser sur lui l'année prochaine pour une nouvelle opération maintien. Ça marche. Merci messieurs, merci dans les commentaires. C'est vrai qu'on est revenu sur pas mal de joueurs. Si vous voulez, on pourra en rediscuter avant la fin de l'émission. J'y disais, on aura comme là, il y a 15 jours un espace libre avec vous, on pourra échanger, répondre aux questions et puis débattre sur certains sujets qu'on aura éventuellement oubliés. Juste Guillaume, est-ce que tu peux mettre le commentaire de Guigui 12 en surélévation, oui, par exemple. La réponse pour moi c'est non. Non, parce que Ayou, il était au bout du bout. Alors, on va juste lire la question pour ceux qui ne peuvent pas nous voir et qui nous écouteront en streaming. Guillaume, donc, je pense, nous dit, j'ai une question, les gars, est-ce qu'on n'aurait pas dû garder un Ayou plutôt que de prendre 3 Brel? Je lui laisse le terme des Brel. Voilà, et je te laisse répondre, Gilles, du coup, à la question de Guy. Non. Il méritait de pug. André, il était arrivé au bout du bout. Un bouquet de fleurs, un gros bisou. Merci pour tout ce que tu as donné. Mais non, je pense que même déjà sur la deuxième saison qu'il fait, on sentait que c'était un peu moins fort que l'année d'avant. Et il ne faut pas insister avec des joueurs pour lesquels on aime. C'est la pire des choses à faire. André fait une troisième saison, il se loupe. Qu'est-ce qu'on fait? On lui tombe dessus? Ben non. Mais par contre, on est obligé de faire après. Émilie qui répond, pour suivre ces matchs aux Pays-Bas, Fiston étant fan, j'avoue que c'est quand même compliqué là-bas aussi, si ça répond à la question Quand le corps ne répond plus, au bout d'un moment, il faut, voilà, quand tu as 35, 36 ans et que tu n'es plus en capacité de tenir un match à haute intensité, parce que le talent ne suffit pas, au bout d'un moment, quand le physique n'est plus là, le talent est un passement de jambes ou un drip, tout ça, c'est joli, ça fait joli pour la galerie. Les gens s'extasient, rêvent de leur siège, c'est magnifique, mais derrière, ça reste de l'illusion, quoi. Moi, j'ai pas envie au HAC de voir des mecs comme ça qui créent l'illusion. Moi, je veux des besogneux, des mecs qui vont au taquet, qui crachent leurs poumons même s'ils ont pas beaucoup de technique. C'est pour ça que moi, Bouffal, je reviens dessus, je suis vraiment pas convaincu par ce profil-là. Je sais pas, les gens l'aiment bien parce qu'effectivement, il fait des jolies choses, mais je ne suis pas convaincu que ce soit le joueur qu'il nous faut. On verra à Nice, il va te répondre. J'espère qu'il me marquera un doublé et qu'il me fera taire. Hein. Moi, j'attends que ça. Hein. Franchement, j'attends que ça. Hein. Mais voilà. On va avancer. Voilà, il y a un petit débat qu'on a eu, nous, qu'on a tous, je pense, à savoir si le HAC n'a pas joué. Pour ne pas perdre ce match et pour cette occasion, une fois n'est pas coutume, on va d'abord écouter un joueur au sujet de la rencontre. C'est pas n'importe lequel, c'est le GOAT, la légende, je n'ai pas peur de le dire, Gauthier Lloris. Le match était beaucoup haché avec beaucoup de fautes, donc au final, bah, c'est une atmosphère qui s'est un peu tendue. Mais voilà, faut souligner d'être revenu au score malgré l'ouverture de score d'Auxerre. Voilà, c'est un état d'esprit qu'il faudra garder pour aller chercher des points sur la prochaine journée. Sur le discours à la mi-temps, l'état d'esprit des troupes, est-ce que vous étiez plus dans l'idée, bon, déjà si on ne le perd pas ce match-là, ce sera pas si mal? Pour les raisons que vous venez d'expliquer, hein, d'ailleurs. Non, mais... c'est comme ça, parce que moi, j'ai trouvé sur la seconde période, vous refusiez un petit peu, enfin, j'ai senti comme ça, vous refusiez le jeu, et il y avait beaucoup trop de crispation. Moi, pourtant, ce n'était pas ce que le coach a dit à la mi-temps. À la mi-temps, il nous voyait un peu tête baissée, parce qu'on était déçus d'avoir pris un but, mais on en avait réussi quand même à égaliser. Mais il disait que c'était bien et que, voilà, ils sont pas devant et on a fait quand même une bonne première mi-temps. Mais il manquait peut-être sur les 30 derniers mètres faire un peu mieux dans les derniers gestes. Mais non, je pense pas. C'est au fur et à mesure. Le match était beaucoup haché, donc ça a donné une petite atmosphère tendue sur la deuxième mi-temps. Et voilà, quand il n'y a pas trop de rythme, c'est dur de. On n'a pas envie de faire d'erreur. Et voilà, c'est peut-être ça s'est senti, mais. Voilà, c'est quand même un point positif. Ils prennent pas de points chez nous, pardon. Et voilà, on avance et on ira chercher les points à Nice. Et juste avant de vous interroger donc sur la déclaration de Gauthier, sur le même sujet, une question de François Manoury qui a été posée à Didier, que je vous laisse écouter tout de suite et on y revient ensemble. Pas votre philosophie, Didier, mais est-ce que, par exemple, à la mi-temps, vous avez véhiculé auprès de vos joueurs un message selon lequel, bah déjà, ne pas perdre, prendre un point, ce serait pas mal? Non. Non, non, et c'est peut-être pour ça que j'étais un petit peu fâché pendant le match. Parce que, mais des fois, c'est très très bien qu'ils ne m'écoutent pas, les joueurs. Hein. C'est vraiment une bonne chose. Et parce que, bah, du coup, on continue avec ces 5 points d'avance sur notre concurrent. Et peut-être que si on jouait... vraiment trop au ballon, on aurait pu concéder. Mais voilà, quand ça fonctionne ou au moins à moitié, bah c'est bien. Mais c'est sûr que si on avait dû perdre ce match, j'aurais eu énormément de frustration qu'on n'ait pas continué à jouer sur nos qualités. Après, arrivé à ce moment-là de la saison, je trouve assez logique pour les joueurs que la confiance prenne un peu le pas sur l'envie de jouer dans un tel match. Tac, voilà deux déclarations de conf. On va y revenir. Qui veut réagir en premier? Je vois. Allez, je vous écoute. Allez, je Gilles, prends. C'est parti. Allez, je prends. Concernant surtout ce que disait Gauthier au niveau des fautes, c'est surtout en deuxième période, parce que c'est un truc qu'on n'a pas parlé, mais en première mi-temps, Benoît Millot, il a laissé jouer. Ça a aussi contribué au fait que la première mi-temps était aussi agréable. Mais effectivement, quand tu arrives à la 65e, 70e, il y a un inconscient, à mon avis, au niveau des joueurs qui se sont dit est-ce que ça vaut vraiment le coup de risquer de se faire avoir, surtout à notre niveau? Ils se sont dit, peut-être que les joueurs se sont dit non. On va verrouiller un petit peu plus la boutique, on ne va pas prendre de risques. Et en face, ils se sont dit aussi la même chose. Ils se sont dit, est-ce qu'on tente quand même le tout pour le tout, sachant que si on se prend un pion derrière, on sait déjà que le maintien direct, ça va être très très compliqué. Il y a des choses qui se font comme ça dans des matchs. On en a vu, hein, des matchs comme ça. Alors, les vues entre nous, on va parler d'Autriche-Allemagne 82... On a parlé de Monaco Leverkusen où c'était pareil, où les deux avaient besoin d'un nul pour se qualifier, ils n'ont pas tenté le coup. Bon, bah, ils se sont dit, allez, un petit point de plus comme ça, une journée qui tourne, Nice a déjà perdu. Allez, on prend ça et puis ce sera pas mal. Vivien. Mais ouais, je trouve que l'enjeu a tué le jeu. Vraiment, c'est dommage parce que je suis sûr que cette même rencontre aurait été disputée à un autre moment de la saison. Le résultat aurait été tout autre. Enfin, en tout cas, le contenu. Le résultat, je ne sais pas, mais au niveau du contenu, parce que le HAC est quand même une équipe qui performe en ce moment à domicile, depuis le début de saison. Auxerre est dans une bonne dynamique. Ils ont gagné 3-0 contre Brest, même si Brest était en tongue. À 10 contre 11, c'était quand même une belle perf. Ils ont mis en difficulté des équipes comme Marseille contre je sais plus qui d'autre. Enfin, ils ont vraiment sur une dynamique qui est sympa. Donc, il y avait tout dans l'absolu, tout était vert pour voir une belle rencontre. Et finalement, en fait, là, comme tu disais, Gilles, la peur de perdre, la peur et pour le HAC de voir Auxerre revenir à 2 points et la peur pour Auxerre de voir le HAC partir à 8 points devant, puis pouvoir les rattraper. Ça a tout figé et malgré tout, je trouve quand même que l'équipe qui a été la moins gênée, enfin la plus entreprenante, c'était quand même été Auxerre. J'ai trouvé quand même plus meilleur que nous de ce point de vue-là. Enfin, ils sont pas fait tourner le ballon par derrière comme nous on l'a fait. Je les ai trouvés un peu plus percutants avec leurs qualités, avec leurs défauts, bien évidemment, parce que si Auxerre est à sa place. C'est qu'ils n'ont pas que des qualités, ils ont aussi du déchet, de l'inefficacité offensive. Mais j'ai trouvé que le match aurait été plus plaisant à d'autres moments de la saison, c'est sûr. J'y sais, qu'est-ce que tu as pensé de cette deuxième mi-temps? Les joueurs ont vraiment n'ont pas écouté le coach et ont fait le strict minimum pour garder le match nul. Bah, disons qu'on savait déjà d'avance que c'était un match à ne pas perdre. Donc le problème, c'est que si tu, en deuxième mi-temps, tu fais tout pour remporter le match et que tu te prends une transition auxerroise, parce que le problème aussi, c'est Auxerre qui a quand même une belle équipe. On regarde le classement, mais en réalité, Auxerre, c'est quand même plutôt une belle équipe. Et offensivement, ils ne marquent pas beaucoup de buts, ce qui est assez surprenant, hein, mais parce qu'ils ont quand même des sacrés joueurs. On sait que leur point fort, c'est les transitions rapides. Donc, le problème, c'est qu'on aurait voulu absolument remporter le match. Je suis persuadé qu'on se ferait ouvrir et puis on aurait perdu le match. Donc, à un moment donné, il faut aussi ne pas perdre. Ça me faisait un peu penser au match il y a 2 ans contre Nantes, par exemple. Voilà, c'est des matchs où on était en position de gagner et éventuellement de valider un maintien et qu'on avait perdu. Et donc, bon, voilà, c'est quand même important en fin de saison de ne pas jouer au con. On avait les 5 points d'avance, on conserve les 5 points d'avance. Alors certes, c'est pas forcément très valeureux, mais nous, on sait ce qu'on veut, c'est rester en Ligue 1 l'année prochaine. Alors ça passe par des parties de non-match, entre guillemets, parce que c'était un peu le cas en seconde mi-temps. Hein, mais après, ça fait statu quo et on verra bien ce que ça va donner le week-end prochain à Nice. Et on aura aussi ce type de match, hein, on n'est pas à l'abri de ça. Mais petit à petit, on va grappiller, puis on aura nos 30 points, 31 points, 32 points qui devraient nous suffire pour le maintien. Mais là, l'urgence, c'est surtout que Auxerre ne revienne pas dans la course à 100%. On va en parler juste après, hein, de l'opération maintien, vous inquiétez pas. Juste avant et avant de clôturer cette page auxerroise, j'aimerais moi qu'on revienne sur un petit événement, mais un événement qui m'a touché, qui en a touché d'autres, je pense, qui a choqué même pas mal de monde. C'est l'entrée en jeu de Josué Casimir et les sifflets qui l'ont accompagné. Moi, je vais vous donner mon sentiment sur ce qui s'est passé et sur ce que j'ai ressenti. Je sais que des gens ne le partagent pas. Perso, je m'en fous. Et après, vous allez me donner votre avis. Moi, perso, j'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai trouvé ça dégueulasse, ce qui s'est passé. Josué, c'est un Bézo qui a tout donné, toujours, pour le HAC. Alors, au-delà de ses buts essentiels hein, pour la montée contre Dijon, ou la saison dernière, son égalisation à Strasbourg, c'est un mec qui a jamais triché, qui a toujours tout donné pour le club. Il a mouillé le maillot à chaque fois. Hein. Son contrat s'est achevé, il a saisi une opportunité avec un énorme salaire par rapport à ce qu'on pouvait lui proposer chez nous. C'est normal, il est jeune. Moi, j'ai lu des commentaires très insultants vers lui, disant qu'il aurait dû re-signer et permettre au club de toucher une indemnité de transfert. Faut se réveiller 2 minutes, hein. C'est pas un top joueur. Tous les clubs vont pas se l'arracher. C'est un jeune joueur, comme j'ai dit, qui a encore tout à prouver. Donc, s'il avait été sous contrat, je pense pas qu'Auxerre aurait été le chercher. Il a eu cette opportunité de découvrir autre chose, de prendre un plus gros chèque. Bien lui en a pris. Bon, perso, je lui en veux pas du tout. Et enfin, j'ai lu des commentaires de certaines personnes sur Twitter. Ce réseau est vraiment pourri jusqu'à la moelle, mais bref, je dis toujours qu'on a une belle communauté sur les réseaux, mais on a des spécimens pourris, parmi les supporters. Je citerai personne, hein. Mais alors franchement, l'irrespect envers les supporters en eux-mêmes et envers José, ça m'a gonflé. À côté de ça, j'ai entendu aucun sifflet contre Romain Fèvre, par exemple, hein, qui lui nous avait bien mis à l'envers en début au Mercato. Enfin bref, voilà, c'était mon coup de gueule. Je vais vous laisser réagir. Vivien, si tu veux rebondir là-dessus, peut-être que tu ne partages pas mon avis. Mais, mais je t'écoute. Moi, pour le coup, j'ai en direct. Effectivement, il a pris une bordée de sifflets quand il est rentré sur le terrain, mais qui ont été aussi couverts par derrière, une fois que les sifflets s'étaient éteints, d'autres personnes, dont moi, qui ont applaudi, clairement. Alors, ça n'a pas pris la même intensité sonore que les sifflets, mais des gens étaient là et ont applaudi, ce qui était normal au regard de ce qu'il a fait pour le hack. Moi, c'est quelqu'un pour qui j'aurais toujours de l'affection parce que, effectivement, comme tu disais, c'est quelqu'un, un gamin de la KV, mais aussi, il a été là au moment important pour la montée, et il a participé activement à l'opération maintien dans des matchs extrêmement importants. Donc, enfin, l'état d'esprit, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Il a toujours été, s'est toujours battu pour le club. On l'a baladé à plusieurs postes. Il a jamais rechigné à quoi que ce soit. Une chose qu'on peut lui reprocher, c'est il a un souci de communication. La première fois, c'était à la fin de la saison dernière, le jour de la victoire contre Strasbourg, on lui donne la parole à la fin du match, je crois, et on lui demande et puis il dit rendez-vous l'année prochaine. Donc, il laissait sous-entendre qu'il allait continuer l'aventure avec le hack. On apprend quelques jours plus tard que c'était déjà prévu depuis longtemps qu'il parte. Et qu'à aucun moment il avait l'intention de rester. Hein. Il avait déjà entamé des négociations avec Auxerre. Et puis l'autre, et moi je lui ai envoyé un petit tacle l'autre jour sur Twitter, pas méchant, mais quand il a fait sa déclaration comme quoi il n'était pas parti à Auxerre pour l'argent, là il nous a pris pour des jambons. Quoi. Il avait bien évidemment le droit de partir à Auxerre. C'est normal, c'est sa carrière professionnelle, il ne voit rien. Il nous a tout donné à OAC. Mais par contre, il ne nous dit pas derrière qu'il n'est pas parti pour l'argent. Il est parti pour l'argent et on aurait fait tous pareil. Faut pas se cacher la face. On aurait tous fait pareil. Par contre, faut pas dire l'inverse de la réalité parce que les gens s'en rendent compte et c'est à mon avis pour ça aussi qu'il s'est pris une bordée de sifflets. Il se serait tu. Il aurait rien dit. Ou il aurait botté en touche. Je suis sûr qu'il aurait eu un accueil tout à fait normal hier au stade. J'en suis convaincu. Merci Vivien. Gilles, tu veux rebondir sur Josué? Ouais, je pense quand même que Josué, là, ça fait combien de temps qu'il est parti? Ça fait 10 mois. Alors effectivement, il y a encore une piqûre de rappel parce que il a été, lui au moins, il a répondu à l'interview de Benoît Donquel. Hein, c'est pas comme certains autres gardiens du côté de Rennes qui avaient même pas daigné décrocher le téléphone. Je sais même pas comment est-ce qu'on peut en vouloir à un gamin comme Josué. Je sais pas, le mec qui était à la cave de chez cave quand il était avec Paul Le Guen, Bonnemer et Elsner qui le sortent, le gamin, à la fin, un an après, il va sauver, il marque le but de la montée, il est en pleurs, il est en transe à ce moment-là, il triche pas, comme tu l'as indiqué encore l'année dernière, il nous a quand même sorti des matchs de fou, que ce soit à Lens ou à Strasbourg, qui nous permettent à la fin de nous sauver et de vivre le moment qu'on a connu sur la Panenka d'Abdoulaye. Il prend 80 000 à Auxerre. Et les gars, 80 000 à Auxerre, Josué Casimir. À un moment, c'est un braquage. C'est un braquage, on va le dire clairement. À mon avis, tu sais, c'est l'histoire du mec, il a mis, ils ont confondu les salaires hebdomadaires et mensuels. L'agent, il voit ça, il fait ta gueule, tu signes tout de suite. Et bien sûr, 80 000. À 40 000, ça aurait été pas mal, à 80 000. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu le prends, tu lui fais un bisou et puis tu lui dis, bien évidemment. Bien sûr, mon grand, bien sûr. On va pas t'en vouloir. Il fait une fois et demi le plus gros salaire du hack cette année. Josué Casimir, les gars. Fin de la blague, quoi. Bravo à lui d'avoir eu un contrat comme ça. Tant mieux. Et pour le coup, sans rancune. Merci pour tout et sans rancune. C'est ça. JC, tu veux réagir? Je pense qu'on a dit pas mal de choses, mais. Non, mais on est tous d'accord sur ça. C'est vrai que c'est un peu n'importe quoi. Après, je peux comprendre que les supporters se sentent, supporters au public se sentent un peu trahis, vexés. Mais voilà, ça fait 10 mois, c'est passé. Et puis, il faut se mettre aussi à sa place, quoi. Je veux dire, même nous, à titre perso, moi, je suis dans ma banque, je suis très bien, mais demain, j'ai une autre banque qui va me chercher et il ne va pas faire x4 au niveau du salaire. Hein, mais j'irai certainement. Donc, à un moment donné, c'est comme ça. Il faut aussi voir aussi ça jouer un peu perso. Bon, bah, c'est foot. Mais là, de là à siffler un joueur qui est formé chez nous, qui a tout donné, qui a terminé capitaine, il n'était pas du tout disposé à faire tout ça. Donc, bon, moi, je suis un peu choqué de tout ça, quoi. Donc, ouais, passons à autre chose, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas terrible, quoi. Tant que tu te bordes pas pour une autre émission, moi, ça me dérange pas. Voilà, bah, c'était le coup de gueule, ouais. Ça, j'étais chafouin. Je voulais le partager. Je pense qu'on était nombreux, donc. Oui, ouais, t'es tous comme ça, je pense. Je me suis autour de cette table. Ah ouais, mais quand je voyais les tweets de certains, mais. Allez, viens faire un câlin. Twitter, c'est un défouloir. Il y a des gens, c'est n'importe quoi. C'est une décharge à ciel ouvert. Je l'ai dit, je le redis. En fait, ils font n'importe quoi. C'est un défouloir doublé d'un fond de chiottes. Voilà, on va le dire. Eh ben, au moins, ils sont habillés pour l'hiver, même si on arrive en été, on s'en fout. Bref, terminons cette page auxerroise. Quoique. La question centrale du soir que je voulais vous poser, est-ce que ce résultat contre Auxerre est un bon ou un mauvais résultat? Je le disais tout à l'heure en début d'émission, peut-être ben oui, peut-être ben non. On va en discuter ensemble avec vous tous en commentaire également. Vous donnez votre avis, on rebondira. Et pour démarrer, quoi de mieux que l'avis du coach? Il répondait à une question de Benoît Donquel hier soir en conférence de presse à ce sujet. On l'écoute et on répond juste après. C'est parti. Bon ou mauvais point? Non, c'est un bon point. Bien évidemment, on avait envie de faire mieux, on avait espoir de faire mieux. On a montré un visage cohérent pour un match de cet enjeu. Mais comme je disais à mes joueurs, ce qui est bien, c'est que bah, les équipes qui veulent prendre quelque chose, il faudra qu'elles viennent le chercher et qu'on va défendre chèrement notre chance et notre place en Ligue 1. Et on a vu que ça avait été un match compliqué pour Auxerre. Alors, je vois dans les commentaires, mauvais point, bon mais pas excellent. JC, ton avis, ça t'a un bon ou un mauvais point dans la lutte pour le maintien? Non, pour moi, ça reste un bon point, comme je disais précédemment. On a 5 points d'avance sur le barragiste. Ça nous a permis de conserver ces 5 points d'avance. Alors oui, certes, on aurait gagné. Le maintien aurait été presque validé. Et encore, écoutez, moi, je reste du principe que c'est un bon point de prix. On maintient. Après, c'est une sorte de statu quo parce que tout va se jouer en fait, à chaque fois sur le prochain match. Donc, notamment le match de Nice qui va être aussi très important. Comme pourrait être aussi le cas celui de Angers dans 2 semaines et puis éventuellement Metz dans 3 semaines. Donc en fait, mais sauf que d'ici là, les matchs, enfin, on se rapproche de plus en plus de la fin de saison et que la capacité des adversaires de nous rattraper sera moindre. Donc ça aussi qui joue aussi en notre faveur. Donc je reste sur le fait que ça reste un bon point de prix. Gilles, bon ou mauvais point de prix? Question simple. Bon point, je l'avais dit à François Manoury sur ICI que si on prenait un bon point, si on prenait un point, ce serait une bonne chose. Je maintiens que c'est un bon point, mais pour la raison aussi que JC a dit, hein, c'est une journée de moins, donc une occasion de moins pour ceux qui sont derrière nous reprendre des points à chaque fois. Tu maintiens l'écart. En même temps, tu as eu Nantes et Metz qui se sont neutralisés. Non, je vois vraiment pas en quoi c'est une mauvaise journée. T'as même repris un point à Nice. Donc non, ouais. Pour moi, la journée est plutôt bien payée. Et on va être honnête, s'il y avait vraiment une des deux équipes hier qui devait gagner, c'était Auxerre, c'était pas nous. Donc non, moi je trouve que c'est un bon point. C'est vraiment un bon point et il ne faut pas cracher sur des points comme ça et des possibilités, justement. Là, pour le moment, on n'est pas en position, comme l'année dernière, de devoir chasser, de devoir gagner, même dans des situations anormales. On ne doit pas aller gagner à Auxerre, on ne doit pas aller gagner à Lille, on ne doit pas aller gagner à Lens, on ne doit pas aller gagner à Strasbourg. Là, c'est les autres qui doivent nous rattraper. Et ben, s'ils ne nous rattrapent pas, c'est eux qui font la mauvaise affaire, ce n'est pas nous. Vivien, Est-ce que tu partages l'avis de tes compères? Oui, bien évidemment. Hein, c'est évidemment un bon point. Alors, c'est effectivement, on est un peu frustré parce qu'on aurait tous aimé que le hack gagne et consolide l'avance sur Auxerre. Mais au regard des dynamiques actuelles entre les deux équipes, hein, quand même, la dynamique d'Auxerre était quand même supérieure à celle du hack. Moi, ma crainte première était de perdre et de les voir revenir à deux points. Et là, je pense qu'on aurait senti le souffle de leur haleine dans le cou. Enfin, on aurait là la position aurait été inconfortable véritablement s'ils avaient gagné, parce que ils auraient certainement abordé le match contre Nantes qui va être très important la semaine prochaine, samedi prochain à 19h au Auxerre Nantes. Ils auraient attaqué. Là, ils savaient qu'en gagnant contre Nantes, ils pouvaient faire deux coups en un. Ils pouvaient mettre Nantes moins deux et en plus potentiellement nous repasser devant et être directement sauvés. Là, on l'est maintenant à 5 points. Je pense qu'ils ont pas abandonné l'idée de se sauver directement, parce qu'ils savent que 5 points, ça, c'est rattrapable, et surtout qu'il y a aussi ce qui est en position difficile, où c'est une équipe qui est très malade. Mais voilà, on aurait tous préféré une victoire, mais moi je m'en contente largement. Je vois dans les commentaires, il y a El Tacos qui dit qu'il y a Auxerre-Nantes. Effectivement, la semaine prochaine, c'est pas la semaine prochaine, on est lundi. Samedi, il y a Auxerre-Nantes qui va être capital. Extrêmement important. Qui va être extrêmement important. Nous, on joue le lendemain, on joue le dimanche à Nice. Ouais. Comment vous voyez cette rencontre? Nantes a été mauvais, très mauvais à Metz. Aurait même failli perdre à la dernière minute. Ils auraient dû, a priori, le but. Moi, je cherche encore leur jeu sur l'image. Sur le but de Gauthier à la 95e, je crois, c'est ça, 85e. Oui, au bout du bout. Mm. Donc ça va tuer Metz, hein, par contre. Mais Metz, on le dit de semaine en semaine, mais là, ce qui s'est passé effectivement à domicile, de perdre contre faire match nul contre l'avant-dernier, de voir un but refusé dans les dernières secondes, je pense que s'ils avaient besoin d'un dernier coup sur la tête. Ils ont appuyé sur le bouton de l'ascenseur là. Par contre, Nantes qui va se déplacer à Auxerre, c'est un match qui va sentir la peur à plein nez. Hein, je sais pas. Oui. Alors le nôtre aussi à Nice, mais alors celui-là, il va sentir la poudre. Ouais, et puis regarde la gueule du calendrier qu'ils ont. Waouh, c'est violent. Hein. Franchement, à part le Toulouse à la dernière journée, où potentiellement Toulouse sera déjà en vacances, ça va être une horreur. Ça va être une horreur. Ils ont au moins 5 points à rattraper sur Auxerre qui ne va pas s'arrêter là. Bon, je pense que la charrette Akita elle va aller avec les Messins aussi, malheureusement. Le maintien direct pour Nantes, c'est foutu de toute façon, là, effectivement. Mais la bonne nouvelle, le maintien complet, jamais je les vois rattraper Auxerre. Pour le match de samedi, c'est que Nantes, en fait, va jouer son batou contre Auxerre. Parce qu'ils savent qu'un tout autre résultat qu'une victoire à Auxerre les condamne. Vraiment les condamne définitivement. Mmh. Donc, ils vont peut-être être dans une démarche de « allez, on y va à fond, c'est le match à gagner absolument » et peut-être que ça peut faire nos affaires, que finalement Nantes va venir embêter Auxerre, parce que Auxerre, même si, comme je disais tout à l'heure, ils sont sur une bonne dynamique, ils gagnent pas tous leurs matchs, hein, loin de là. Hein, ils sont malgré tout quand même avant-dernier, pas avant-dernier, mais premier relégable. Donc, pour moi, c'est un match qui peut être ouvert et Nantes peut aller embêter Auxerre, ce qui nous ferait vraiment nos affaires à nous. Ça peut faire un match un peu comme on était dans la situation de l'année dernière, qu'on est allé à Auxerre. Hein, on est quasiment mort et puis au final, peut-être qu'un dernier souffle de vie, peut-être. Mais dur. Peut-être que Stéphane va peut-être montrer la vidéo de la victoire du HAC à Auxerre la saison dernière et va leur montrer ça comme un exemple de match et qui va peut-être les aider à se relancer. Non, mais voilà, le foot est. Et pour ça, c'est toujours le côté merveilleux du foot, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance le résultat d'un match. Il y a des sports au tennis, on sait qu'un par exemple, un joueur qui n'est pas au niveau, il ne battra jamais un top compétiteur, mais au foot, tout est possible. Rien n'est jamais écrit et moi je vois très bien Nantes faire un résultat à Auxerre. toute façon, effectivement, si Nantes ne fait rien au Serre, quand tu vois le reste du calendrier, ils reçoivent Brest, ils vont à Rennes, ils reçoivent Marseille, ils vont à Lens, ils reçoivent Toulouse en dernière journée où ils seront condamnés normalement. Pour Nantes, c'est terminé s'ils ne gagnent pas à Auxerre. Donc effectivement, c'est ils vont devoir se sortir. Voilà, ils vont devoir poser. Enfin bref, ils vont devoir se battre. Dans quel ordre? J'enchaîne les expressions les plus graveleuses. Bref, peu importe. Mais c'est vrai que ce Auxerre Nantes, moi j'ai hâte de le voir. Donc, ouais. Donc effectivement, ça va être important. Derrière nous, on va à Nice. Ouais. C'est Émilie qui le disait. C'est vrai qu'on est très mauvais à l'extérieur. Nice s'est pris une déculottée à Strasbourg et a priori il n'a rien foutu. J'ai pas vu le match. Ils étaient à 3-0 à la mi-temps. Quand je disais en début de saison que Nice avait une bonne gueule de stade de Reims, on se foutait un peu de ma gueule il y a quelques journées, ça y ressemble quand même de plus en plus. Il n'y a plus rien. Ils ne sont pas du tout prêts pour être là. En barrage, si Nice va au barrage, ça va descendre. À l'inverse de Auxerre, si Auxerre va au barrage, Auxerre, ça se maintient tous les jours. Oui. Et nous, en barrage. Bah, si nous, on va en barrage, ça veut dire qu'on a fait une sacrée descente au niveau du classement. Je me plaisante. Hein. Bon. À combien vous visez le maintien en termes de points là? C'est vrai que les deux comptables, les deux experts en chiffres. Faudrait. C'est difficile à dire parce que tout dépend aussi d'Auxerre. Auxerre a quand même trois matchs à domicile qui peuvent être. Ils peuvent prendre des points. Ils peuvent faire 3-6-9. Prendre un petit match nul, pourquoi pas à Lyon. Ça fait 34. Ce serait vraiment un mauvais scénario pour nous. Ouais, en gros, c'est combien Auxerre prend de points et combien Nice en prend en même temps. Il y a aussi Nice. Actuellement, ils n'ont pas un calendrier tip-top non plus. Hein. Ouais, actuellement, peut-être que le scénario le plus favorable, c'est nous 14, Auxerre 15, Nice 16 et ensuite Nantes-Metz. Le match de week-end à Nice va être vraiment très important. Vraiment, il ne faut vraiment pas le perdre. Et Nice, c'est jouable. Hein. Nice n'a pas gagné chez eux depuis octobre. Donc, ils enchaînent les 4-0. Enfin, ils sont sur 2-4-0 d'ailleurs à domicile. Ouais, mais nous, on n'a pas gagné à l'extérieur depuis combien de temps? Ouais, ok, mais nos prestations ne sont pas si catastrophiques que ça. À chaque fois, on manque de réussite. À part le match à Nantes, qui était un non-match, effectivement, à l'extérieur, et on a quand même fait des prestations qui n'étaient pas si dégueulasses que ça. Et Nice, je suis pas sûr que. Effectivement. On est moins mauvais à l'extérieur que Nice est mauvais à domicile. Voilà. Exactement. Et ça, à mon avis, s'y attend pas. Et je vois bien une petite surprise quand même. Hein. Je nous vois bien faire un truc là-bas. De toute façon, indépendamment du truc, quand on dit que le calendrier il joue aussi par la force des choses. Hein. Si tu gagnes Nice, Nice ne reverra plus. Lille, Marseille, Lens, et ils vont ensuite à la Baie des Champs à l'avant-dernière journée qui sera une finale pour le maintien direct. Oui. Le match contre Metz ne servira peut-être même pas parce qu'ils seront peut-être déjà. Je pense que ce sera trop tard, à mon avis. Effectivement, pour eux, peut-être pas. Hein, y a peut-être encore quelque chose. Et puis ensuite, c'est toujours pareil. Hein, quand tu as le trouillomètre en 0, et ça se trouve, les Messins, ils vont commencer à faire monter les gamins qui joueront en Ligue 2 l'année prochaine. Ça nous est arrivé une fois à Niort de nous prendre une déculottée par des U19. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vous vous souvenez contre 3 aussi, il y a quelques années, la dernière saison de Le Guen, on avait joué contre 3, qui avait terminé première de Ligue 2, et il avait fait rentrer plein de jeunes. Et on avait gagné, je crois, le match. C'était le dernier match de la saison. Ouais. On avait gagné 3-0, un truc comme ça, avec Richardson, avec il y avait Ben Toupi, il y avait enfin tous les gamins, il y avait Keshta, il y avait Casimir, et il avait donné sa chance à tous les gamins, et ils avaient répondu présent. Donc, effectivement, c'est un scénario probable. C'est pour ça, les scénarios de dernière journée, c'est presque limite des fois du tirage au sort, parce que la plupart des joueurs dans les équipes qui n'ont rien à jouer, ils sont déjà en vacances, ils se disent « qu'est-ce que tu m'embêtes ? Moi, demain, à 9h, j'ai mon avion à Roissy, qu'est-ce que tu crois que je m'en fous de ton match ?» Le mec, il a déjà la tête aux vacances, et c'est à ce moment-là que tu as des bonnes ou des très mauvaises surprises. Voilà, bah, écoutez, il n'y a plus qu'à patienter sagement. Le match de Auxerre-Nantes, c'est samedi à 19h. Je pense qu'on va être nombreux devant notre, notre télé pour regarder ça. Petit échange éventuellement avec les supporters sur le côté en commentaire. Si vous avez des choses, des sujets auxquels, voilà, sur lesquels vous voulez venir, revenir, n'hésitez pas. Si vous avez des jeux de mots pour Gilles, c'est le moment avant qu'on se quitte. Donc voilà. Bah El Tacos qui nous parle de Nice qui avait un budget de haut de tableau. Je vais faire le parallèle, c'est que eux en fait n'ont pas réussi à faire ce que le Paris FC a fait là ces dernières semaines où là j'étais le premier à être étonné qu'ils prennent Camboiré. Bon, bien mal m'en a pris parce que. Ça carbure fort quand même, et là ils se sont mis définitivement à l'abri, là où ils auraient dû être depuis le début de saison de leur fête. Et c'est de ce que je te disais précédemment, c'est que Nice n'est pas calibré pour se battre pour le maintien, et c'est pour ça, ça décroche gentiment, doucement, mais ça glisse, et puis ils vont se faire sauter à la dernière journée, ou même un peu avant si tout se déroule à la 33e journée, et que Nice en barrage. Il y a gros danger, surtout si ça tombe sur un gros, parce que potentiellement, là, avec les résultats qu'il y a en Ligue 2 actuellement, peut-être que Le Mans va faire un mauvais tour à Saint-Etienne, et là, par contre, on pourrait avoir un Saint-Etienne-Nice en barrage. Oula. Et là, là, je pense quand même que Saint-Etienne serait quand même un petit peu mieux armé, armé que Nice pour se maintenir. Je pense que n'importe... Ah. Peut-être pas n'importe quelle Ligue 2, je suis en train de regarder le. Bon, 3 va monter, c'est quasiment acté. Saint-Etienne a 4 points d'avance sur Le Mans qui est 3ème. Ah ouais, ça va jouer. Un seul maintenant. Le Mans a gagné ce soir et est revenu. Merci. Il revient un point, même nombre de matchs. Donc là, on est. Ah oui Le Mans qui était en national l'année dernière, il faut le dire. Le Mans qui fait juste une saison exceptionnelle en Ligue 2 et que potentiellement, ouais, Saint-Etienne. Mais Saint-Etienne, de toute façon, hein, si nul cette défaite. Quand tu as un budget qui est au moins deux fois ce que les autres ont, on dira que c'est pas, juste pas normal qu'ils soient dans cette situation-là. Mais... Le Mans n'a perdu que 4 fois cette saison, c'est incroyable pour un club qui vient de la Ligue 1. Ouais, derrière, tu as le Red Star, Reims, Rodez. On va peut-être pas descendre jusqu'à Montpellier-Annecy, mais ouais, ça va jouer entre Rodez, Reims, Red Star et Le Mans. Donc effectivement, il y a des équipes qui sont peut-être. Plus favorable pour Nice, même si Le Mans... Rodez, je crois que... Ouais. Rodez, ils sont sur 15 matchs sans défaite, je crois qu'ils tiennent un record de matchs sans défaite. J'ai cru lire ça l'autre jour. Un record chez eux, parce que le record, c'est nous. Oui, bien sûr. Non, mais à l'échelle de la Ligue 2, là, c'est la seule équipe à avoir enchaîné autant de matchs sans défaite à la suite. 15, c'est énorme, 15. Voir Paul Lignon et mourir. Tu te souviens, Guillaume, en début de saison, à Le Mans, on avait perdu. Hein, on avait perdu contre Le Mans en amical. 1-0, c'était à Vire. On avait commenté le match avec Corentin du Doyen, le Média. Et oui, on avait perdu 1-0 là-bas. Bon, après, voilà, c'était un match amical, un match de reprise. Donc, on pouvait pas savoir que Le Mans allait faire cette saison-là. On savait très bien, nous, du côté du HAC, que les matchs amicaux... ne veulent absolument rien dire, surtout l'année de la montée, si vous vous rappelez, je crois qu'on avait fait des matchs amicaux dégueulasses. C'est vrai. Bref, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va tranquillement glisser vers la conclusion de l'émission. Hop, je vais retirer tout ça. Ouais, j'ai toujours raison, Bob, non, je déconne. Je plaisante. Serez-vous à Angers? Je ne crois pas. Personne, je crois, fera le déplacement. Non, pas sûr. Non. Pas la team, mais de ce que j'entends, il y a beaucoup de monde qui est content que ça se joue. Samedi 19h, donc effectivement, ça permet d'autres possibilités par rapport à notre horaire habituel. Est-ce que vous y serez, vous, tiens, dans les commentaires, dites-nous si vous serez à Angers, dans ce merveilleux parcage. Je suis vraiment flippant ce parcage. T'as pas connu l'ancien stade, toi, pour aussi dire. Non, j'ai pas connu. Non, mais c'est vrai, quand tu passes sous la tribune et tu dis c'est là où que je vais être, tu dis oh putain. Bref, toujours en dep, Loïc. Bah bravo. De toute façon, on vous entendra. Vous allez faire un max de bruit comme d'habitude hein, à la télé. Bah, vous nous rendez fiers, je vous dis toujours, les supporters à chaque fois à l'extérieur. Voilà, on est fiers de voir nos couleurs et de vous entendre aussi fort. Ça fait du bien d'avoir du hack partout en France. Donc bravo à vous. Voilà, je voulais parler un petit peu des féminines. Il en reste 3 matchs à jouer. Elles ont toujours 5 points d'avance sur les relégables. Elles ont un match très très important à la fin du mois. C'est vrai qu'il y a un grand gap entre leurs 2 matchs. Là, elles ont perdu contre Dijon. Mmh. Elles ont un match très important à domicile contre Lens, vraiment un match pour le maintien. Si elles le gagnent, pour moi, c'est acquis. Ouais. Maxime Di Liberto, il a sorti la sulfateuse. Hein. Il n'a pas été content de la prestation. Hein. Et contre vu ça, il a clairement dit, hein, on mérite pas mieux d'être 8e quand on sort des matchs comme ça. Ouais, bah en espérant qu'elles se maintiennent et qu'elles enchaînent encore une saison en première division, ça serait cool. Voilà, nous, on va se retrouver justement le 20 avril après le déplacement à Angers. Donc, on aura vécu le match à Nice et donc on aura vécu ce match à Angers. Donc, on en saura plus sur l'opération maintien. J'espère vraiment qu'on sera là avec des très bonnes nouvelles. Objectif maintien assuré après le match de Metz. C'est ça. Justement, à Metz, on vous en parlera, mais voilà, il y a de fortes chances qu'on vous prépare quelque chose en direct du stade Océane. Puisque, comme la saison passée, on avait fait le déplacement tous. Alors, j'ai vu le déplacement parce que vous savez tous qu'on est expat. On est tous expat. Gilles aussi, qui est le guest ce soir, est expat. Donc là, on va monter contre Metz. Au départ, la saison dernière, on était monté sur le dernier match à domicile qui était Marseille. Cette année, c'est encore Marseille. La flemme, honnêtement, on n'a pas envie. Franchement, les footix, tout ça, moi, ça me dépasse. Et je pense que ce qu'on a pensé, c'est vrai que le match essentiel pour nous tous, s'il y a un moment où il faut qu'on soit tous là-bas, c'est contre Metz. Donc, on sera là-bas. On va essayer de vous proposer une émission en direct du stade. On va voir ça avec Jérémy, avec le club, pour vous faire vivre dans les coulisses ce match crucial contre Metz. Donc voilà, j'espère que vous serez avec nous, et puis j'espère que ça vous plaira. On va essayer de vous préparer un truc aux petits oignons. Bref, j'ai assez parlé. Je vais vous saluer tous. Merci à ceux qui ont suivi l'émission dans le chat. Merci à ceux qui ont répondu. JC, Vivien, je vous le dis depuis toujours, on a sur le studio des petites musiques d'attente sympas, et je vous ai juré qu'un jour je vous la mettrai. Donc on va se quitter. C'est la fin de Pessac. merci Vivien d'avoir participé avec tes gros doigts qui nous ont épargné ce soir. Avec merci. Une telle musique, c'est toujours un plaisir. Ouais. J'espère que dites-nous en commentaire si vous aimez cette petite musique, on pourra la garder la prochaine fois pour la présentation. JC, merci. JC avec ta belle casquette. Yes. C'était beau, j'espère que tu nous le ramèneras la prochaine fois. Gilles, merci. J'espère aussi. Merci beaucoup. Super sub exceptionnel encore une fois. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je pourrais vous la faire avec une. Qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est la hot ce soir. Vous avez promis qu'on l'utiliserait cette musique et voilà. Bonne soirée à tous. Boujou. Tiens, et je vais laisser le dernier mot quand même à Vincent Volpé. On va couper la musique. Vincent, tu nous dis au revoir. Allez le hack et allez le havre. Bonne soirée les amis et à bientôt. Bonne soirée à tous. Allez le hack et on se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée à tous. À bientôt. Ciao.